Sur la musique qui nous trottait tout au fond. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Zikactu, vous êtes sur RDB et je vous souhaite une excellente année. Et oui, j'avais pas encore eu l'occasion de vous le dire en direct la semaine dernière, c'était une rediffusion. Et donc voilà, j'espère que tout va bien pour vous en cette année 2016, qu'elle commence mieux que l'année 2015. Et voilà, je vous la souhaite tout simplement bien meilleure que celle d'avant, et je vous souhaite plein de bonheur, plein de musique et plein de belles choses. Et plein de musique, on en a eu quand même pas mal en 2015, et c'est pour ça que cette émission sera une spéciale rétrospective 2015. Alors, on va tout de suite commencer par moi. Mon coup de cœur de 2015, c'est Sofiane Stevens, avec l'album Carrie Elowell. C'est de la folk hyper élégante, hyper raffinée. Vraiment, j'ai adoré cet album, très introspectif. Et on écoute tout de suite, du coup, le titre « All of me wants all of you ». Shall we beat this or celebrate it? You're not the one to talk things through. Ooh. You checked your text while I masturbated. Mama Link, I feel so used. Ooh. I found my cell phone Spencer's pew. Shadow with my shoe. Empty outline, change my view. Now all of me thinks less of you. All of me pressed onto you. Ooh. But in this light you look like Poseidon. I'm just a ghost you walk right through. Ooh. So my cell phone Spencer's pew. Actuellement, Sofiane Stevens avec donc l'album Carrie Elowell, un album autobiographique avec en pochette une belle photo de son papa et de sa maman. C'est charmant et puis c'est surtout très profond. On sent que voilà, il a été très impliqué dans cet album qui est un très bel album de Sofiane Stevens. Voilà, moi c'était mon coup de cœur de 2015. J'en passerai quelques autres, Mais je tenais aussi à vous donner un peu la parole, et notamment, je donne la parole notamment à Chacha, qui habite du côté de Lamastre, et qui m'a fait découvrir un groupe qui s'appelle Mansfield T-Y-A, Tia peut-être, je sais pas, qui a sorti un album cette année qui s'appelle Corpo Inferno. Donc ça va être l'occasion de passer un peu de français, ce que vous allez voir ce soir ou ce matin si vous écoutez la rediffusion du jeudi. Il n'y en aura pas beaucoup. Alors on écoute tout de suite Mansfield Tia avec Bleu Lagon. C'est le choix de Chacha, mais aussi notamment d'Eric de Saint-Étienne, que je salue. Bleu Lagon. J'ai tellement grincé des dents, je voulais partir et m'échapper dans un lagon abandonné. Alors Tia, après quelques recherches, ça n'a pas de signification particulière en fait. On n'a pas spécialement d'infos là-dessus, c'est selon les chanteuses, voilà, c'est tout à fait le hasard que ça soit qu'il y ait ces trois lettres, donc on peut bien les prononcer comme on veut finalement. Ça sera donc Mansfield Tia, ces deux nantaises qui, donc, il y en a Julia Lanoé à la guitare électrique et Carla Pallone au violon. Julia Lanoé qu'on connaît aussi dans le groupe qui est chanteuse dans le groupe Sexy Sushi. Si ça vous dit quelque chose, qui est nettement plus trash, mais voilà, c'est un petit côté pop. Il y a une chronique sur France Inter qui les traitait de chansons progressives, après le rock progressif. Pourquoi pas? En tous les cas, c'est intéressant. Merci Chacha pour cette découverte. Et voilà, j'en profite pour dire que vous pouvez à tout moment me faire passer des petites informations, des petites pépites comme ça, via la page Facebook de l'émission. La page Facebook, c'est Zik Actu RDB. On continue avec une autre petite pépite que j'ai déjà passée dans l'émission, mais que j'avais vraiment adoré. C'est un groupe qui s'appelle Mini Mansions, et comme invité, ils ont Alex Turner. Ça peut être que mortel. Et donc, c'est un side project du bassiste de Queen of the Stone Age, si ma mémoire est bonne. Je vérifierai ça tout de suite, et je vous confirme ça après le morceau. On écoute Vertigo de Mini Mansions et Alex Turner. Thank you. all you need to know. Wish you were mine, I got to go. Oh, you miss me, our love's in stereo. Isn't it finer in mono? Oh, you feel me, I ring from head to toe. You say goodbye, I say hello. Witchcraft, she's Miss Binet, did that, and bought the cat suit. I used to raise in the roof and telling the truth. I thought I wasn't, but I was losing my mind. Oh, when she showed me how the night was supposed to sound, I realized that then whenever I shut my eyes, well, there she hovered, looking like $1 million. In a briefcase or a duffel bag by high noon tomorrow. Just make sure you're not followed. And since you're such a stunner, send us something sunset color. Let's make love to one another. C'était donc Mini Mansions avec Alex Turner de Arctic Monkeys. Ce titre, je le trouve vraiment très bon et l'album, en règle générale, est très très bon. Il s'appelle The Great Pretenders et donc il est sorti en 2015. Un album au son vraiment particulier, c'est assez unique et vraiment c'est pour ça que c'est bien aussi. On était donc aux États-Unis, on retourne en France avec un groupe qui s'appelle néanmoins Shores et l'album s'appelle We Are Match, donc ça va pas chanter en français. Cependant, c'est un très très bon album, j'ai longtemps hésité à le mettre en album du mois et puis je sais pas, il y a peut-être une plus grosse exclue dans ce mois-ci. En tous les cas, c'est excellent, ça vient de Normandie et je vais vous passer le titre The Shark. pushing my patience. I can't make my conscience clear. I can't just make it disappear. But it's no time to bend the knee, so let's try to show some dignity. Won't you help me know? You don't sound like you're willing to do so. Don't you know? Shores, l'album s'appelle We Are Match, c'est donc bien sorti en 2015 puisque c'est la thématique de cette émission. C'est un petit best-of de l'année 2015 pour ceux qui ont raté le début. Et c'est français et ça cartonne. J'adore le son, j'adore le flow, la façon de chanter, voilà, la production. Vraiment, c'est très très bon et l'album est très très bon en règle générale. Écoutez-le, il s'appelle We Are Match, donc du groupe Shores. On continue avec un morceau beaucoup plus long. J'ai un peu demandé l'avis à mes amis autour de moi pour savoir quels pouvaient être les meilleurs titres de l'année. Et il se trouve que mes amis aiment les morceaux très très longs. Donc voilà, ça va monopoliser une petite partie de la programmation, mais ça tombe bien parce que c'est de la bonne musique aussi. Donc là, c'est un morceau conseillé par Charles Bardin de Cannes maintenant, que je salue, qui nous a conseillé donc un artiste qui s'appelle Jaga Jaziste, un artiste ou un groupe, je vais me renseigner un peu. L'album s'appelle Starfire et donc on écoute le titre éponyme Starfire, Jaga Jaziste, proposé par Charles Bardin. On écoute tout de suite. C'était Jaga Jazziste et c'était complètement fou. Je ne sais pas si vous êtes rendu compte, vous, que 9 minutes sont passées depuis tout à l'heure. Moi non, il se passe tellement de choses, c'est tellement incroyable. C'est vraiment une super découverte. Merci à toi Charles, c'est un groupe que je ne connaissais pas. Je me suis un peu renseigné dans l'intervalle. Il s'agit d'un groupe d'une dizaine de musiciens en fait, qui viennent de Norvège. C'est un groupe qui existe depuis plus de 20 ans. Et qui sont en fait les précurseurs scandinaves du New Jazz. Donc voilà, c'est un groupe qui vient du jazz et qui évolue entre jazz et trip-hop. Et voilà, là on sent quand même aussi une belle influence rock et électro. Et vraiment un mélange incroyable avec des musiciens qui m'ont l'air de savoir jouer très correctement. C'était donc Jaga Jazziste, un groupe norvégien. Vraiment une super découverte. Merci à toi Charles. Je retourne un petit peu à mes petites découvertes à moi de l'année dernière. Et il y a un titre que je vous ai passé qui m'avait bien marqué. C'était un titre de Scratch Bandit Crew avec Gavlin. C'était sorti sur Stereo 7, hein, donc le dernier album de Scratch Bandit Crew. Et Gavlin, c'est une rappeuse américaine. Et ce titre, je le trouve énorme. Et je pense qu'il va bien enchaîner avec. Il s'appelle Do It, Do It, Scratch Bandit Crew avec Gavlin. Yeah. What up, Scratch Bandits? Gavlin. Blimey, from Cali to France. To be the realest one in this shit, you see. Vibe and the baseline, usually. I'm running to kill him on my G. My G, don't get it twisted. Do it for the love, but we still about business. So we grind, grind till we getting it. Gotta make it work, work out like fitness. Fitness, we destined for greatness. You loosening up when they need some shaking. Don't get it mistaken. The way that I'm taking a lift, I'm all shaking. Shaking it out while I'm baking it now. Staking them out to be taking them now. Slept on me long, you awakening now. We the ones that they ranting and raving about. Raving about their scratch bandits. From Kelly to France, we make it happen. Simple fraction of the main attraction. Do it so well, it's a natural reaction. Reaction, they grasping our hands. We reaching the crowds, we reaching our fans. What was the drink? Ain't part of the plan. Feed off the sand and it's time we began. The takeover is locked in place. Smart motherfuckers get clacked in the face. Wait, nowhere to trace, nothing to say. You smoked out that lace, anyone but a vet. I'm faded, I'm on one, but I need another drink. A strong one. I'm faded, I'm on one. I need another drink, a small one. The mood is elevated, baby. Tonight we celebrating, right? Yeah, it's a celebration. The mood is elevated, yeah. The mood is elevated, baby. Tonight we celebrating, right? Yeah, it's a celebration. Yeah, the mood is elevated. For y'all to send a move, let's keep this group. Yeah. Let's all prove this final smooth. Wow. Sample that, throw it in the booth. Booth, true spitter, yeah. Two flows when the new shoes hit your puma, kick rocker, spit proper, spin doctors. Head ain't a shocker, nah. We hit you in a chakra. Yeah. It's bound to happen so fast. We smoked you out and left you cash. Left you cash like Johnny's wife. Spit bars and you hardly ride. We do work and you stay inside. Got a lighter in the crowd, better raise it high. Oh, so high that I kiss the sky. I'm living life good, I ain't telling no lies. Me and the team, what we do is grind. Let you know now that it's been crunch time. It's crunch time and we crunch lines when we bust rhymes. Gotta drive no bus line. Stay hungry like a lunch line. That's a punchline. It's a punchline, but we punch lame. Wow. Swerving on you, better know your lane. No. Can't hear you when you claim your fame. Uh-huh. You don't know nothing, your life's a game. Your life's a game. You playing, boo. None of these DJs are playing you. Scratch bandits, get them raging, dude. Blind me and yeah, we staying true. The mood is elevated, baby. Tonight we celebrating, right? Yeah, it's a celebration, right? The mood is elevated, yeah, the mood is elevated, baby. Tonight we celebrating, right? Yeah, it's a celebration, yeah, the mood is elevated, baby. ben oui, les Français, ça c'est faire des instrus de hip-hop. Hein. Ça c'était Scratch Bandicrew et les Américains, ça c'est rapper. Là c'était Gavlin en l'occurrence, donc une Américaine. Et ben, ça, j'en profite pour parler de la première Américaine, c'est-à-dire la première dame des États-Unis, Michelle Obama, qui elle aussi sait rapper. Je fais une toute petite parenthèse dans ma rétrospective 2015. Ça c'est tout frais, ça vient de sortir et Michelle Obama a décidé de poser un rap pour engager les jeunes sur le chemin de l'université. On écoute ça quand même, parce que je crois que c'est assez bien fait. What are you gonna do after high school? I don't know, just hang out I guess. Hang out? Your future is hazy, trying to figure it out. Asking why I'm here, so you crushing in doubt. It's your choice, so voice it, whole world your oyster. Can't be dropping the ball when your future's nothing to toy with. Telescope and stay focused, make a mark and get noticed. Get the degree, thermostat, help me out, floaters. If you wanna fly jets, you should go to college. Reach high and cash checks, fill your head with knowledge. If you wanna wash pain, don't go to college. But for everything else, you should go to college. You can study engineering. They be building robots, build bridges, commute. You can get your walk on, be a math major. Hop a moon crater, be an astronaut. Be up in the sky like a baby. Finance is a science, but you still need a degree. Archaeology, astronomy, but not astrology. No. FLOTUS on the track. Southside Chicago, we all know we had to do overtime every night to make it tomorrow. And everyone could really make their dream true. Hey kid, listening in Michigan, that could be you. But a dream is just a dream unless you go, huh? Voilà, c'était Michelle que vous venez d'entendre. Imaginez Carla Bruni en train de poser. Non, bon, Carla Bruni, c'est peut-être un mauvais exemple. On continue notre petite rétrospective 2015 après cette petite envolée aux États-Unis avec un groupe français. On reste un peu dans le hip-hop avec 232K. 232K dont je vous ai parlé plusieurs fois. Anto, c'est un peu le parrain de l'émission, en fait. Il apparaît régulièrement. Et donc, quand j'ai demandé quel était l'album de l'année 2015, enfin, voilà, l'album le plus marquant, et bah, tout simplement, il a répondu Polaroid, c'est-à-dire son propre album. Bah, bravo, un peu d'autopromotion ne fait jamais de mal. On écoute donc le titre éponyme de Polaroid, c'est très très bon, donc j'en profite pour le passer. 232K, un groupe, alors, canet ou canois? Bon, un groupe de camp. Polaroid. J'observe le monde et fais le point comme un photographe. Si tu n'aimes pas le décor de béton, ce n'est pas la photographe. Les mecs s'activent, laissent une empreinte durable. En rap, en négatif ou en peinture. Je développe une photo, je développe une idée. Le monde est beau, à qui sait le voir, j'en ai l'opportunité. Donc je rappe et fais ma catharsis. J'insiste et me tue chaque soir à faire mon autopsie, qu'analyse. Y'a que dans mes textes que je me laisse tirer le portrait. Même rider, jamais j'irai me faire tirer le portrait. V'là le topo, photo, t'es qu'un tocaroli. Si tu préfères le photo, chapeau, polaroid. Je me noie dans mes idées, parfois même dans un verre d'eau, soulevant la voile sans hésiter. Je pars à la conquête de nouveaux flots. Donc sous les yeux j'ai des valises. Car je torpe, optimiste dès lors que mes voeux se réalisent. Dans la torpeur. Dans la torpeur. Dans la torpeur. Figer le temps sur du papier ou un sample. Trouver un angle, une lumière intéressante. Polaroid. Figer le temps sur du papier ou un sample. Trouver un angle, une lumière intéressante. Polaroid. Polaroid. Le rap c'est comme l'amour, c'est du taf pour que tu réussisses. L'amour c'est comme Dieu, faut y croire pour que ça existe. Sans exagérer, j'ai mes 10 exagérés. J'dis que j'aime ça et j'persiste. Et j'digère ça, plus je recommence, plus mon âme est triste. Plus la maîtrise du temps est consacrée à mes bénéfices. Additionner mes petits sonnets, l'air craché c'est prendre un risque. Du bout de mon poignet, j'dessine l'existence en pointillé. Des tonnes de souvenirs en devenir me désarme en vitesse. L'arme de tristesse que je ne vois pas venir. Et toutes ces jolies folies assez fades se font dedans mon encéphale. Morphale du rap, ralliant qu'en Paris ou Montréal. Où sont les braves? J'en vois plein qui s'agitent. C'est triste, mais vicieux. La vie n'est pas si précieuse. Apprécie-la, rends-la périlleuse. Dehors c'est pas la guérilla, c'est juste un merdier ennuyeux. Dehors c'est pas la guérilla, c'est pas la guérilla, c'est juste un merdier ennuyeux. L'instantané de tant d'années de vie, bientôt les 30 années. Le temps défile, je fige un polaroid. La lumière sur nos zones d'ombre, un peu de flash sur les coins sombres. Polaroid, polaroid, polaroid, polaroid. 232K. On était donc à Caen, et ben tant qu'à faire, on est parti vers le nord. On va continuer de monter un peu avec un groupe qui s'appelle Balthazar, qui vient de Belgique. L'album s'appelle Thin Walls, il est sorti en 2015, et ce titre Decency est exceptionnel. C'est Balthazar. Forsaken life, I guess we've been right just long enough. Nothing but chewing on those strings of love. Yeah. While the moon slips out the door, keep asking back for more. It's what we came here for. If she won't see us ever, shout out for, or leave this trace. We're on the run, we'll keep our ways. Hide for no one. And yes, we've been right for quite a while, lacking of any decency and style. Yeah. While the moon slips out the door, keep asking back for more. It's what we came here for. If she won't see us anymore, then what will we sing? What is it we'll shout out for? We'll pour it just a little. Seeing style. Yeah. While the moon slips out the door, keep asking back for more. It's what we came here for. If she won't see us anymore, then what will we sing? What is it we'll shout out for? We'll pour it just a little. C'était Balthazar avec Decency, l'album s'appelle Thin Walls et il est très très bon. Et voilà, il y a une alchimie particulière en Belgique, je sais pas, il y a quelque chose de particulier, peut-être le climat qui fait que leur musique est très très bonne. En tous les cas, au niveau du rock et de la pop indé, il se passe plein de choses. Je pense que je ferai une émission spéciale un jour sur la Belgique. Il y a vraiment plein de choses à dire et plein de choses à faire écouter qui valent le coup. Voilà, maintenant, mais aussi dans les 10-15 dernières années, vraiment des très très bons groupes, comme voilà, Deus, Venus, Ginzu, plein de choses que j'ai très envie de vous passer et je pense que ce sera fait dans l'année 2016. On continue avec un groupe qui a pas mal marqué la fin d'année, c'est False, avec l'album What Went Down. Il y a un tube qui s'appelle Mountain at My Gate qui tourne pas mal sur les internets. Nous, à la Radio des Boutières, Nico a choisi de passer le premier titre de l'album, qui est un peu plus hardcore, un peu moins accessible, mais pourquoi pas, c'est très bien. Et nous, on va écouter donc un peu le single Mountain at My Gates, qui est un peu plus dansant et qui est très chouette. C'est False. Sacré fin, c'était False avec Mountain at My Gates. L'album est très très bon, il s'appelle What Went Down et on l'avait même passé en album du mois, je ne sais plus, peut-être au mois de novembre ou décembre. Et c'est très très bon, donc False. On va finir par le coup de cœur de Raphaël Labouré, un ami que je salue, qu'on appelle aussi Rara ou Ra Carré. Vous pouvez d'ailleurs taper Ra Carré, R-A et le petit 2 en l'air dans Google et vous découvrirez son travail parce qu'il se trouve que c'est aussi un excellent photographe qui fait pas mal de photos de concerts mais aussi des photos d'art que moi je trouve vraiment très réussies. Voilà, Ra Carré, qui nous conseille donc un artiste que je connais pas, qui s'appelle Guillaume Perret. Alors, donc ça c'est le nom, à mon avis, du saxophoniste, d'après la photo. Et le groupe s'appelle The Electric Epic. De ce que j'ai entendu, ça a l'air d'être un peu le pendant saxophonique de Ibrahim Malouf, avec ce côté un peu jazz, rock, qui revient finalement. Du coup, si on arrive à citer deux artistes, c'est presque une tendance. On écoute donc Showbox, extrait de l'album Open Me qui est sorti en 2015. Ça dure une petite dizaine de minutes, donc on se quittera presque là-dessus. Enfin, on se quittera là-dessus, j'aurai pas le temps de passer à autre chose, mais en tous les cas, c'est un plaisir de passer voilà, ces titres, ces découvertes, ces petites pépites. N'hésitez surtout pas à me les faire parvenir. Merci à tous d'avoir participé à cette émission et de m'avoir proposé tout ça. On se retrouve dans 10 minutes après Showbox de Guillaume Perret and the Electric Epic. We'll be right back. Et voilà, Zicactus, c'est terminé. C'était un bien beau morceau, un morceau assez incroyable avec plein de choses à entendre, plein de choses à découvrir. Merci, j'espère que ça a été le cas pour toute cette émission. Et voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et n'hésitez pas, du coup, toujours à partager vos petites découvertes. Ça fera toujours plaisir de les passer. C'était donc une émission spéciale rétrospective année 2015. J'espère qu'elle vous a plu. En tous les cas, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite encore une fois à toutes et à tous une bonne année à l'écoute d'RDB. Par exemple. Allez, à bientôt, à la semaine prochaine.